honnêtes. Jésus seul, Jésus seul, Jésus seul. Cet ami connaît mes alarmes. Son amour guérit ma douleur. Essuie toutes mes larmes. Doux sauveur, doux sauveur. Si t'amie connaît toutes mes larmes.